بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. هل أتاك حديث الغاشية؟ T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante ? وجوه يومئذ خاشعة. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. عاملة ناصبة. Préoccupés, harassés. تصلى نارا حامية. Ils brûleront dans un feu ardent. تسقى من عين آنية. Et seront abreuvés d'une source bouillante. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Ari. La yusmin wa la yughni min jou'. Qui n'engraisse ni n'apaise la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante. Là, des divans élevés. Et des coupes posées. Et des coussins rangés. Et des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comme ils ont été créés ? Et le ciel, comment il est élevé ? Et les montagnes, comment elles sont dressées ? وإلى الأرض كيف سطحت؟ Et la terre, comment elle est nivelée؟ فذكر إنما أنت مذكر. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. لست عليهم بمسيطر. Et tu n'es pas un dominateur sur eux. إلا من تولى وكفر. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. إن إلينا إيابهم. Vers nous est leur retour. ثم إن علينا حسابهم. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte.